ici pour la troisième partie de cette conférence. Pourrais-tu définir ce qu'est Dieu? Est-ce une créature de l'univers ou l'inverse? Claude. Donc, l'inverse, ça serait un peu compliqué. Mais, oui. Bon, on définit c'est quoi Dieu. Premièrement, il y a plusieurs dieux dans le ciel. Il y a plusieurs dieux dans les cieux. Il y a un dieu qu'on pourrait appeler notre Père en faisant une comparaison avec le Père humain, donc celui qui aurait pu créer. Il y a un Père, donc un dieu plus haut encore ou plus loin, qui peut être mon père, et il y aurait, toujours en gardant le terme Dieu, un Dieu qui serait intemporel, donc immortel, omniscient, omniprésent, omnipotent, mais ce Dieu-là entoure notre univers temporel, mais ne le pénètre pas. C'est-à-dire que quand il le pénètre, ces formes d'énergie ne sont pas exprimées comme ils le sont dans un endroit intemporalisé. Ça va de soi. Alors, ce qui fait que cette énergie-là, quand elle traverse, disons, l'espèce dont on appelle ça un périsprit pour l'instant de nos super-univers, quand elle le traverse, elle est automatiquement exprimée dans un continuum, donc dans un phénomène spatio-temporel, et automatiquement, il y a transformation, donc ce n'est pas le même Dieu. Dieu dans le ciel, ce sont tous les phénomènes supérieurs à l'homme qui le contemple. L'homme peut être un corps physique, l'homme peut être un corps vital, l'homme peut être un corps astral, l'homme peut être un fusionnement, disons, des trois. C'est-à-dire que l'homme, qui es-tu l'homme? Alors, si je m'adresse à un homme qui a une identité astrale développée, complétée, l'homme est donc une forme égoïque. Si c'est une personne, disons, qui est plutôt animale, l'homme est soit vital, soit matériel, donc animal, il peut avoir un peu d'astral. Et si l'homme est mental, je m'adresse donc à un homme mental. Ce qui fait que le Dieu dans le ciel, c'est un Dieu créé par l'homme à son image et à sa ressemblance pour pouvoir satisfaire les désirs de l'ego. C'est-à-dire que l'homme, à un moment donné... Est-ce que je peux t'arrêter ici, Daniel? Lorsque tu dis que l'homme crée le Dieu à son image et à sa ressemblance, est-ce que ça pourrait vouloir dire quelque chose comme ceci? Soit quelqu'un qui se met à genoux, puis il voit un bonhomme avec une grande barbe, puis il se met à le prier pour être capable de faire son paiement à la fin du mois sur l'automobile ou être capable de changer de voiture, ainsi de suite. Alors, s'il prend ça d'une image, il va créer une espèce d'agrégat, si ça a été utilisé par d'autres, justement, sous cette forme-là, et il crée ce Dieu-là. C'est-à-dire que non. Le Dieu, ça, c'est une facette, mais normalement, tu ne créeras pas un Dieu, tu vas employer un Dieu déjà existant quand tu fais ça. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme lui-même, le Dieu dans le ciel, le Dieu qui est prié par la religion, OK, c'est une forme d'expressivité extrêmement transformée d'une forme, disons, divine, donc d'une divinité extérieure à notre planète. Et ce Dieu-là est un Dieu qui a été créé quand l'homme a commencé à découvrir qu'il était manipulé. C'est-à-dire que quand l'homme... Non, il n'a pas tout à fait compris le phénomène de la manipulation. Par contre, il s'est bien rendu compte que quand il pleuvait, bien, il pleuvait. Et que quand la foudre tombait, elle tombait. Ce qui fait que l'homme a donc commencé à avoir peur, et par après, pour se rassurer, il a inventé le dieu de la foudre, le dieu de la pluie, le dieu des accidents, le dieu de ci, le dieu de ça. Et l'homme, moindrement plus mental, donc qui avait un mental un peu plus développé, toujours assujetti à l'astral, s'est rendu compte de la manipulation qu'avaient ces dieux-là sur la masse, et ces personnages-là sont devenus les prêtres. Et ils ont bâti leur propre église, donc les prêtres, les évêques, les archevêques, etc., pour pouvoir manipuler l'homme par l'intermédiaire de ces religions-là. Alors donc, le Dieu dans le ciel, celui qui est prié normalement par une religion, quand on prie un Dieu pour recevoir une bénédiction, pour être guéri, pour sortir d'un problème, pour être soulagé d'une peine, pour soulager quelqu'un d'autre, pour aider quelqu'un d'autre, pour régler son problème d'impôt ou de son auto, pour rechercher de l'affection d'une divinité ou pour vouloir donner de l'affection. Bref, pour n'importe quelle raison qui vient de l'ego, donc qui vient du phénomène astral. C'est toujours au Dieu dans le ciel qu'on s'adresse, donc à l'égrégore divin, c'est-à-dire à l'égrégore de l'astral supérieur, qui, de par son immensité, peut aider de temps en temps une particule, un individu, un homme ou une femme. À ce moment-là, on prend ce Dieu en esclave et on lui dit... Ça, c'est le Dieu dans le ciel. Guéris telle personne. Oui. Permets-moi de faire mon paiement. Fais ci, fais ça, fais ça. Tandis que faire la volonté du Père, c'est laisser passer... Non. Faire la volonté du Père, si le Père est le Dieu et que le Dieu est dans le ciel, faire la volonté du Père, ça veut simplement dire d'être assujetti et d'accepter la manipulation. L'astral individuel accepte la manipulation de l'astral planétaire. Donc, il va se lancer dans des conversions, il va se lancer dans de l'aide à autrui, il va se lancer dans tous les disons, contextes religieux et sectaires qu'on peut rencontrer sur la Terre et même philosophiques. Alors, ce qui fait que c'est toujours la voie du Père, mais l'astral ne peut faire que la voie de l'astral spirituel ou que la voie du mental. Le mental ne fera jamais la voie de l'astral spirituel. Le mental, lui, quand il va faire la voie du Père, va automatiquement suivre le chemin qui va lui être dressé par le supramental. Et ce qui est totalement différent. Donc, quelqu'un qui fait... C'est pour ça qu'on dit souvent que même si tu fais les voies du Père, si tu n'as pas le discernement, ben, autant que tu fasses tes propres voies à toi. Parce que quand toi, tu vas faire tes propres voies à toi, ben, au moins, tu ne seras pas sous l'assujettissement d'une astralité planétaire. Et s'il y a des millions d'individus qui sont assujettis à ça, on a une masse incroyable pour faire des guerres, pour faire des révolutions, pour rien faire. Mais si tu fais ta propre astralité à toi, ben, tu es moins dangereux, évidemment, que si tu serais relié à l'astralité planétaire. Et tu as la possibilité, étant individuel, de te personnaliser et d'arriver à tes propres concepts, d'arriver à tes propres connaissances, d'arriver à ton propre savoir et bâtir un mental qui, à un moment donné, lui, va pouvoir être en relation avec le Dieu dans les cieux, celui qu'on pourra aussi appeler le Dieu supramental. Bon. Alors donc, le deuxième Dieu qui peut être lié à la planète Terre, c'est un Dieu extraterrestre. L'homme va souvent dire, « Ah oui, mais c'est de lui que je parlais. C'est peut-être de lui que tu parlais, mais ce n'est pas à lui que tu priais. Hein? » Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme, présentement, n'a vraiment pas la connaissance ni la compréhension de ce qu'est Dieu, parce qu'il mélange différentes formes d'expression de Dieu le nom, là, que l'on l'emploie pour l'instant, et mélangeant ces différentes formes-là, il les appelle tous Dieu, mais ils ont tous des effets différents, étant exprimés différemment dans ce continuum-là. Alors, ce qui fait que le Dieu dans les cieux, c'est un individu, disons, il y a une individualité, il y a une personnalité, mais le Dieu dans les cieux, il n'y en a pas qu'un, il y en a au moins trois. Alors, disons que là, ça complique le phénomène encore pour la compréhension humaine, mais disons qu'on pose la question, peut-être bon pour avoir la réponse. Ces trois dieux-là, qui sont extérieurs à l'homme, dans le domaine de la matière, on a effectivement quatre dieux. Mais l'homme va prier surtout le Dieu dans l'astral, donc le Dieu dans ce ciel-là. Mais dans le ciel de l'homme, dans le ciel planétaire, on a quatre dieux. On a un dieu dans le domaine de la matière. On a un Dieu dans le domaine de la vie. On a un Dieu dans le domaine de la psychologie. Et on aurait une forme de divinité dans le domaine du mental. Alors, ce qui fait qu'on a certains saints, par exemple, qui vont être appelés lors de prières pour guérir. Un autre pour entreprendre une affaire. Un autre pour tel ou tel genre de choses. Alors, ce qui fait que, justement, on a, selon le fusionnement des corps des individus, des saints qui sont rattachés à différentes formes de divinité, tous créés par l'être humain dans son schéma d'évolution planétaire. Dans le schéma extraterrestre, donc dans le schéma extraplanétaire, on a trois divinités réelles qui peuvent être en contact avec l'homme et donc l'homme avec lequel l'homme peut entrer en contact. Dieu dans les cieux, tel que le Nazaréen en parlait. Le Nazaréen, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien important, c'est que lui se balançait carrément de l'évolution des individus qui l'entouraient. L'évolution planétaire avait une sorte d'importance, autant que faire se peut pour un individu de sa classe, c'est pas une importance dans le sens égoïque, mais les individus autour, non. Alors, ce qui fait que lui, quand il s'adressait à quelqu'un, il ne parlait que pour lui. Et il ne faisait qu'exprimer l'état dans lequel il était, donc l'état qu'il avait atteint. Alors, quand il parle de mon père, il parlait de son père. Mais de temps en temps, c'est un père matériel, de temps en temps, c'est un père vital, un père astral, un père mental. Le père dans le ciel, à un moment donné, le père dans les cieux, il perdait le monde. Hein? Alors, ce qui arrivait, c'est que le monde pensait que c'était tout le même phénomène. Mais lui parlait maintenant au père dans les cieux. Les cieux puis le ciel, le mot a une bonne différence. Mais lui parlait que pour lui, il ne faisait qu'exprimer. Alors, mon père, mon père, mon père, mon père. Mais c'était toujours des dieux différents parce que des tas différents. Alors, je suis le fils, je suis. Il ne se prenait pas pour un autre, mais lui ne parlait que pour lui et non pas pour enseigner à la masse. Alors, évidemment, il y a eu un enseignement qui était donné, mais le plus gros de l'enseignement donné à la masse par Jésus-Christ l'a été par ses apôtres. C'est-à-dire qu'eux autres, par la vibration, recevaient de l'information, ne la comprenaient pas tous, et eux diffusaient l'information. Pas le Nazaréen. Le Nazaréen ne parlait surtout que pour lui. Et c'est normal. Il créait par la parole. Oui. Pour lui. Exactement. Alors donc, et sur d'autres plans. Ben oui. Alors, ce qui fait qu'on a un Dieu qui peut être, qui présentement est en relation intime avec l'homme, mais l'homme, dans sa prière, ne peut pas présentement entrer en contact avec un phénomène divin extraplanétaire, étant donné que sa prière est toujours suscitée par une forme d'expression de l'astral. Donc, automatiquement, elle se dirige droit dans l'astral vers le Dieu dans le ciel, de quelque catégorie qu'il soit, parmi les quatre catégories. Donc, les dieux extraterrestres, on en a trois, et ces formes d'énergie-là peuvent être appelées, à un moment donné, mon père, comme le Nazaréen les a appelés mon père. Il appelait mon père, l'énergie avec laquelle il était en contact. Et quand cette énergie-là devenait lui, il appelait mon père, l'énergie suivante, car elle était l'énergie qui englobait l'énergie inférieure, donc qu'il avait, disons, créée, c'est-à-dire qu'elle ne l'a pas créée, mais par certains phénomènes de vibration, quand elle s'exprimait dans un endroit particulier de la conscience au niveau de notre espace, de notre univers, sa vibration était transformée, donc c'était une énergie différente qui était inhérente, donc qui était de même nature que l'énergie divine, mais qui n'était pas de l'énergie divine. Alors, ce qui fait que le Nazaréen, augmentant son schéma vibratoire en termes de conscience, parlait toujours à un père différent jusqu'au temps où il était entré en contact avec le Père universel. Le Père universel que le Nazaréen, justement, parlait, c'était le Père du Père-Esprit de nos super-univers. Et ce Père universel-là, qui était le Père de tous les univers, l'univers est contenu dans un phénomène de temps. Alors, ce Père-là, quand le Nazaréen est en contact avec le Père universel, quelque temps après, il ne parlait plus de son Père, il était. Et après avoir été, il a finalisé certains phénomènes dans le domaine de la matière avec Lazare. Il a finalisé son propre retour aux enfers pour parfaire les parcelles de corps, préparer la fusion. Et il a fusionné, eu le corps morantiel, parce que c'était encore utile présentement dans l'augmentation des mémoires spirituelles de l'astral planétaire. Et donc là, il est rentré en contact avec les dieux dans les cieux, c'est-à-dire les trois niveaux de dieux dans les cieux. À l'extérieur de ce schéma-là, on parle toujours de Dieu. Il y a d'autres formes de divinité que l'homme, avec lesquelles l'homme peut entrer en contact, mais on les appelle des divinités, mais ce ne sont pas des êtres que l'on peut appeler mon père. Parce qu'il y a une différence entre mon père et un Dieu, ou même Dieu. D'ailleurs, le Nazaréen ne parlait presque jamais de Dieu, il parlait de son père, parce que lui était conscient. Oh, c'était le père de tout le monde, mais ça, personne n'avait ce niveau de conscience-là, donc ce n'était pas leur père. Pourquoi le Nazaréen disait que notre Père qui est aux cieux. Bon, là, on essayait simplement de forcer l'astral à monter dans un niveau tellement spirituel que le Nazaréen avait créé de par son passage pour permettre à la vibration mentale d'essayer d'être assujetti à l'ajusteur de pensée extraplanétaire qui, à cette époque-là, a commencé à venir sur la Terre parce que le Nazaréen avait augmenté le taux vibratoire de la Terre. Et de notre Père qui est dans les cieux et non pas notre Père qui est au ciel, la prière a été transformée à un moment donné par différentes religions. Notre Père qui est aux cieux, on parlait simplement à l'énergie supramentale. Et l'ajusteur de pensée, par cette prière-là commune pourquoi? Parce que la masse vibratoire d'un individu n'était pas suffisante pour attirer une forme d'ajusteur de pensée impersonnalisée, donc sur lui-même. Alors, où il y avait une masse qui se rappelait le Nazaréen, donc qui appelait l'égrégore de la haute astrale spirituelle dans une assemblée, et pour aider ça, alors le Nazaréen a laissé des vestiges comme la messe, qui est un repas, hein, et différentes choses dans le genre. Et en faisant cette prière-là, on s'adressait donc au Dieu dans les cieux, donc à l'énergie de l'ajusteur de pensée, l'énergie supramentale, impersonnalisée jusqu'alors, et qui devra se personnaliser, évidemment, dans le courant des temps qui viennent. Le Nazaréen, lui, l'avait personnalisé. Alors, ce qui va arriver, c'est que le Nazaréen parlait de notre père et parlait de mon père, donc de son père. Et quand il parlait de son père, pourquoi que ce père-là n'était pas le père de l'humanité? Mais pour la simple raison que l'humanité entrait en contact avec une force mentale, et c'était notre père, ou une légère parcelle supramentale de l'ajusteur de pensée, et c'était notre père. Mais le Nazaréen, quand il s'adressait à son père, ne parlait pas à l'énergie mentale ni supramentale. Il parlait à l'énergie bouddhique ou à l'énergie divine. Alors, ce n'était pas le père de tout le monde. En potentiel, oui, mais en réalité, non. Donc, mon père n'est pas votre père, mais votre père est mon père. Alors, ce qui fait que si tu t'éloignes encore du schéma des divinités ou des dieux de notre univers et de notre super-univers, automatiquement, tu vas dans une forme d'énergie que seul le Nazaréen, dans notre contexte solaire et galactique, a pu, disons, rencontrer, c'est-à-dire qu'il a pu percevoir ces énergies-là intemporelles. Exactement. Cela a été évidemment le Nazaréen. Et ça, c'est le père du Nazaréen rendu à l'époque où le Nazaréen est rendu. Maintenant, le Nazaréen n'a pas quitté complètement le phénomène spatio-temporel parce que lui aussi, il est relié au phénomène de la galaxie, c'est-à-dire du super-univers, dans le TED, en ce sens que lui, le Nazaréen, devra lui aussi attendre qu'il ait assez d'énergie super-universelle pour pouvoir finaliser, la transformation ou l'extradition du temps vers le non-temporel. Alors, ce qui fait que le Nazaréen, ayant pris contrôle totalement, il peut être intemporel, mais il est encore, c'est-à-dire que en lui existe le super-univers, donc il n'en est pas débarrassé, et automatiquement, un travail qui lui incombe de par le phénomène énergétique, le fait qu'il existe encore du temps en lui, malgré que sa conscience est intemporelle, donc il a réellement une conscience divine du Père universel, mais par contre, il a encore une expression en lui qui est temporelle. Donc, le Nazaréen, c'est-à-dire Jésus, se doit présentement d'aider la gestion, donc à la gestion d'un immense univers qui, normalement, qui fait partie de lui. Hein, il en est le créateur de cette façon-là, et la Terre en fait partie, et il devra, à un moment donné, donc, il gère, c'est-à-dire qu'il aide les formes d'énergie qui sont descendantes, quand on parle descendantes, c'est parce que, on prend tout que la Terre est en bas, là, donc qui sont radiantes vers la Terre, et lui devra les canaliser, donc, de cette façon-là, on peut dire que Jésus est assis à la droite du Père, c'est-à-dire, à la gauche, c'est la personne pacificatrice, à la droite, c'est le guerrier. Et puis, étant assis à la droite du Père, il a donc le Père universel en termes bibliques. Alors, je vais juste donner une petite explication sur le phénomène même. Ce qu'il a à faire, c'est qu'il n'a pas encore quitté et il doit obliger ce super univers-là à finir par devenir intemporel. Alors donc, il est du côté droit, selon la tradition, parce qu'il est guerrier. Guerrier en ce sens, évidemment, qu'il a une verge de fer, comme on explique au niveau des apocalypses, et qu'il y aura donc du monde qui vont passer, du monde qui ne passeront pas. Ce qui n'arrivera pas, évidemment, tout à fait comme ça. Là. Ça n'arrive jamais de la façon que c'est prévu, de toute façon. Non. Alors voilà qui est. C'est-à-dire dire que le Nazaréen serait le boss de la planète Terre. Si on peut utiliser un mot anglais pour. Le Nazaréen a en gestion en lui-même un univers complet. Et à travers cet univers-là, plusieurs expressions de l'énergie du Nazaréen et plusieurs expressions de l'énergie des différents pères viennent sur la Terre et dans les autres planètes. Et le Nazaréen a à contrôler ces différentes formes d'expressivité-là de lui-même et des autres pères. Ce qui veut dire qu'à travers les différentes densifications du temps et de l'espace, la Terre a une densification, disons, extrêmement dense, donc il y a énormément de temps. Il y a des endroits dans l'univers qui sont beaucoup plus temporalisés et densifiés que le nôtre. Hein? Ils n'ont pas encore d'énergie astrale. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à travers, donc, l'expressivité du Nazaréen ou de différents pères, vient sur la Terre, et en se rapprochant, elle est transformée par la densification du temps, donc par la compression du temps et de l'espace, et elle arrive sur la Terre sous différentes formes. Formes que l'on peut appeler, par exemple, archange, séraphin, Melchisedec, et il y en a plusieurs autres que je n'aimerais pas tout de suite, parce qu'on va, simplement tout perturber l'affaire. Alors, ce qui arrive, c'est que ces formes d'énergie-là, qui sont au niveau de notre Terre et qui sont au niveau de l'espace planétaire et au niveau de l'espace solaire et même galactique, ne sont que des expressions déformées de Dieu. Mais on le sait, fait longtemps, mais on n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Peut-être que l'on comprend un peu plus. Alors donc, lui a présentement à gérer les expressions de son Père et l'expression de lui-même. Ce qui fait que le Nazaréen est devenu notre Père. C'est un fait. Mais ce n'est pas, il est notre Père parce qu'en lui, il a la création de différentes entités, c'est-à-dire que son rayonnement déformé a créé différentes entités, dont celle qui nous a créées en termes d'entités humaines évoluantes sur une planète Terre. Donc, disons aussi que le Nazaréen est aussi le Père de notre Créateur. Ça va de soi. Et puis, je ne vous mélangerai pas plus. Que penses-tu de la définition suivante qu'on a déjà donnée de Dieu? Que lorsque le Big Bang est arrivé, l'explosion universelle, il y aurait eu trois alephs qui se sont réunis, qui forment un centre de lumière, dont un représente la volonté, l'autre l'intelligence et l'autre l'attraction, soit l'amour. Et puis qu'il y aurait encore quatre alephs à se manifester, parce qu'il y a sept alephs, dont trois se sont manifestés, et que ceux-là, à travers les différents voiles ou périsprits ou couches qui protègent chaque planète, si l'on veut, énergisent tous les autres plans en descendant. Est-ce que tu sais, premièrement, c'est quoi le Big Bang? Non. Une explosion. Pas non plus, mais... non, mais c'est une théorie, disons, de une Dieu. Une théorie que... simplement, non. C'est une théorie, disons, que les autres... Disons que le amené. Big Bang n'a pas d'importance. Oui, il y a de comme peut-être les alephs dans la question, dans ce que je t'ai demandé. Bon, d'accord, mais le Big Bang a une extrême importance dans la compréhension de tes alephs et dans la compréhension des divinités, mais tu peux venir dire là. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Ben oui. Bon. Les astronomes ont découvert, ont émis la théorie du Big Bang, Big Bang, donc de l'explosion universelle, qui existait déjà dans les théories ésotériques. Et eux autres ont simplement pris conscience à un moment donné que les étoiles avaient tendance à s'éloigner. Donc, ils ont essayé de comprendre ce qui pouvait se passer, et chaque étoile s'éloigne l'une de l'autre. Donc, on assiste présentement à l'extension de l'univers dans tous les sens, et non pas, il n'y a aucune étoile qui se rapproche tout ce temps. Et on a donc pensé qu'à un moment donné, il y avait une espèce de gros amas de matière qui aurait explosé, et qui aurait donné tout ce qu'on connaît. C'est la théorie scientifique. Elle est vraie. Le Big Bang, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, dans les phénomènes énergétiques, que je ne couvrirai pas au complet pour l'instant, parce que je pense qu'on est déjà pas mal assez loin, quand le temps a été créé, c'est-à-dire que quand l'espace a été créé, c'est-à-dire que quand l'amour a été créé, donc quand la volonté a été créée, et quand l'intelligence a été créée, OK? Tout ça a amené un phénomène de mémoire et de temps, et toutes ces formes d'énergie-là qui ont été créées, donc assemblées en même temps, c'est-à-dire qu'il était déjà existant, mais le fait de par leur mélange, je n'expliquerai pas tout ça là, ça a simplement créé une immense masse de matière qui était automatiquement temporalisée et automatiquement inexistante par rapport à ce qui existait autour. Alors, ce qui fait que tout ça a carrément explosé, et immédiatement, en même temps qu'il y a eu création. Autrement dit, il n'y a jamais eu de Big Bang, c'est-à-dire qu'en même temps que le noyau espace-temps était créé, il y avait déjà déplacement. Pourquoi? Parce que le déplacement fait partie intégrale de la synthèse, de la thèse et de l'antithèse du temps et de l'espace. Donc, au même moment où il y a eu notre univers, nos super-univers de créer, il y avait désagrégation de ça pour créer ce qu'on a présentement aujourd'hui. Alors, ce qui fait que, à l'instant même où il y a eu création de tout ça, il y avait automatiquement déplacement. Donc, il n'y a jamais eu d'univers qui a explosé parce qu'il n'y a pas eu le temps, c'était déjà en déplacement. Et ce déplacement-là s'accentue continuellement. À un moment donné, dans l'évolution humaine, on va pouvoir, de par l'évolution de différents plans qui sont présentement éparpillés tout partout sur toutes les latitudes, ce qui va arriver, c'est que par attraction vibratoire, donc par évolution similaire de tous les phénomènes en perdition, ceux-là vont réussir, et c'est le travail de l'humanité, c'est le travail des maîtres, c'est le travail du Nazaréen, c'est le travail de tous ceux-là. Par attraction, on va être capable de tous se réunir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toute l'extension va arrêter. Et on va pouvoir maintenant citer une compression, c'est-à-dire que tout va revenir. Ça aussi, les savants commencent à l'envisager. Et on va revenir. Donc, on va recréer une espèce d'agglomération qui n'aura pas le temps d'exister parce qu'il y aura destruction du temps et de l'espace. Donc, c'est là que, disons, notre évolution va s'achever, dans le sens qu'elle aura à s'achever. Les Alephs en question. J'ai expliqué déjà que la volonté était une chose qui ne pouvait exister que si elle avait le temps. La volonté était une forme d'expression d'une énergie. Donc, il y avait des volontés physiques, des volontés vitales, des volontés astrales, des volontés mentales, des volontés supramentales, on appelle ça la volonté de Dieu. Alors, quand le mental dit, quand il est personnalisé, il se connaît, je ne ferai pas ma volonté, je vais faire celle du Père. C'est parce que l'énergie supramentale n'est pas personnalisée, donc elle n'est pas lui-même, donc elle est différente, donc elle, par rapport en termes d'énergie, elle l'a créé le reste. C'est l'énergie supérieure qui, en baissant son taux vibratoire, arrive à créer l'inférieur. Donc, c'est le Père. Alors, ce qui fait que quand tu es personnalisé, tu fais l'énergie du Père. Mais, au niveau de... Donc, tu fais la volonté du Père. C'est-à-dire que tu exprimes cette énergie-là, et ça, dans le contexte spatio-temporel, on appelle ça la volonté. Parce qu'un individu qui a de la volonté va aussi faire un vol de banque. Il va faire l'amour 8 fois par jour, mais c'est une volonté astrale. Et il fait la volonté de l'astral. Et si tu veux faire la volonté du mental, tu fais la volonté du Père quand tu es astral. Et c'est ce qui est arrivé souvent dans les époques, dans les niveaux évolutifs anciens de notre humanité. Mais à un moment donné, certains êtres qui étaient mentaux, donc astral, vital et physique, ont fait la volonté du Père, encore une fois. Mais la volonté du Père était simplement le fait qu'ils exprimaient dans le temps et l'espace une énergie qui était différente. Alors, ce qui fait que ces alephes-là, volonté, intelligence et amour, sont des choses qui n'existent que dans l'univers spatio-temporel. Les 4 alephes qui manquent sont existantes déjà, mais elles sont totalement inconnues de la race humaine. Puis un jour, à un moment donné, l'homme va pouvoir les découvrir et l'homme va pouvoir en prendre conscience. Alors, ce qui fait que tant qu'elles ne seront pas en présentation sur la Terre, c'est-à-dire en expression suffisamment, disons, dense, c'est encore très subtil, mais pour que l'homme puisse les envisager, on n'en parle pas. Mais tout ce phénomène-là est en existence. Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choses comme ces 3 alephes-là qui sont présents dans notre parcelle d'univers et qui sont absents dans l'autre parcelle de l'univers. Par contre, on a 2 ou 4 ou 5 ou 2 ou 3 ou 7 alephes, donc le mélange, qui sont en expansion arrière et qui sont existantes dans d'autres phénomènes. D'où l'évolution supérieure de d'autres planètes ou de d'autres races qui peuvent aussi venir faire un tour ici pour différents motifs. Alors, ce qui fait que, présentement, disons que la Terre, elle est sous le contrôle de 3 alephes, la volonté, l'amour et l'intelligence. Volonté représentée par le Père du Nazaréen. Donc, le premier Père du Nazaréen, c'est-à-dire l'énergie supramentale. L'amour représenté par la loi d'attraction qui a permis à la Terre d'avoir l'ajusteur de pensée, tout ça, mais l'attraction a toujours existé parce qu'on a eu un ego, sauf que c'était évidemment l'amour humain, c'est-à-dire l'amour matériel. Et l'intelligence, on l'a toujours eu aussi par le fait que pour créer le laboratoire expérimental terrestre, on a amené la matière, le vital, on a amené l'astral et on a amené le mental, mais comme tout à l'heure on a expliqué, le mental a été donné à des égos avant le temps. L'ego n'était pas personnalisé, donc l'ego s'est emparé du phénomène. Alors, ce qui fait qu'on a, on a le mental, on a l'amour par notre attraction astrale, et on a la volonté du Père, si on n'a pas le choix, tous les états d'évolution dans le super-univers temporel ont tous le phénomène volonté. Ils n'ont pas tous l'amour, c'est à créer, Et ils n'ont pas tous l'intelligence. Parce qu'il faut avoir l'amour avant d'avoir l'intelligence. Lorsque le Nazaréen a, disons, lorsqu'il a appelé les énergies pour justement que l'ajusteur de pensée fasse son travail, à ce moment-là, il a descendu la loi d'attraction sur Terre. L'attraction qui existe sur la planète Terre était une attraction planétaire, donc humaine, mais l'humanité de l'époque, donc égocentrique, mais de façon, disons, animale. C'est-à-dire que l'attraction, l'amour humain, était de type astral, l'astral involué. Le Nazaréen, en venant sur la Terre, par le principe que lui connaissait les autres phénomènes, c'est-à-dire qu'il a pu entrer en contact avec différents plans, d'ailleurs tous les plans qu'on connaît dans notre univers, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé à la planète Terre une mémoire qui ne pouvait pas être localisée de par sa vibration, donc elle ne peut pas être attirée par l'astral bas, mais c'était simplement de la croyance. C'était au niveau astral. Donc, elle a été repoussée par l'astral bas au fin fond de l'astral spirituel. Et c'est cet astral-là, spirituel, tout proche du mental, qui a attiré l'énergie de l'ajusteur de pensée au niveau de la planète Terre. Alors, lui, c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il a fait un travail, disons, religieux, en ce sens, un travail de foi, parce que l'humanité ne peut pas comprendre, n'ayant pas un principe mental suffisamment développé, d'ailleurs à peine en croissance. Alors, en augmentant le schéma spirituel très, très, très haut au niveau de l'astral, bien, il a permis une vibration supérieure à la vibration du mental potentiel que les individus avaient. Et ça, ça l'a attiré les formes d'ajusteurs de pensée très minime, donc ça l'a attiré un ajusteur de pensée impersonnalisé, c'est-à-dire un ajusteur de pensée qui ne sait pas qu'il est ajusteur de pensée, qui n'est même pas identifié, qui n'est qu'une forme d'énergie vibratoire qui se promène au niveau de notre espace et qui est attiré par la planète Terre. Et lentement, l'homme a un travail à faire, c'est-à-dire qu'il est en contact avec le même ajusteur de pensée pour la majorité des individus. Et lentement, l'ajusteur va se personnaliser. Maintenant, il y a des ajusteurs de pensée. L'ajusteur de pensée ne suit pas l'individu lors de la fusion. L'individu, lors de la fusion, n'a plus besoin d'ajusteur de pensée, c'est-à-dire que la forme même qui va ajuster la pensée mentale pour permettre à l'énergie totale de l'énergie supramentale de venir en contact avec, à un moment donné, va disparaître, c'est-à-dire qu'il sera détruit. Mais quand on dit détruit, il faut s'entendre, c'est qu'il sera expulsé. Pas intégré à l'individu. Non, il n'est pas intégré pour la simple raison qu'il n'a pas d'utilité réelle quand l'énergie mentale peut rentrer en contact total avec l'énergie supramentale. Donc, cet ajusteur de pensée-là, là, je dis qu'il est détruit et en même temps qu'il est repoussé. Alors, j'expliquerai à un autre moment donné qu'est-ce qui se passe, mais je pense que présentement, c'est le meilleur terme. Il est détruit et repoussé. Donc, il n'est pas repoussé, il n'est pas détruit, mais il n'est plus là. Okay? Alors, ce qui arrive, c'est que cet ajusteur de pensée-là, qui se remet donc en circulation dans l'univers, est un ajusteur personnalisé. Et cet ajusteur expérimenté et personnalisé dans le domaine du mental, et qui va voguer, donc qui va se promener au niveau de notre univers, va finir par être attiré par un autre être qui, lui, a déjà la capacité similaire de l'être qui a évolué, et il peut venir se placer dessus et aider cet être-là d'une manière absolument efférente dans son évolution. Mais il faut dire que les ajusteurs de pensée personnalisés en liberté sur la planète Terre, il n'y en a pas beaucoup. Le Nazaréen a eu le droit à un de ceux-là, qui venait d'ailleurs d'une autre galaxie qui est attirée par le Nazaréen. Et le Nazaréen a pu donc s'en servir plus rapidement, parce qu'il était très, très jeune à cette époque-là. Alors, ce qui fait que notre ajusteur de pensée, à un moment donné, dans le développement du mental et du supramental, ben, finit par ne plus être utile et il disparaît. Il n'a pas rapport à l'évolution de l'individu. Un jour, ces ajusteurs personnalisés-là vont avoir des personnalités similaires, ils vont pouvoir se grouper ensemble et devenir l'ajusteur de pensée d'un égrégore planétaire, d'un égrégore solaire, d'un égrégore galactique, et pour opérer le même phénomène que le petit ajusteur minuscule qui va venir nous voir à un moment donné. Quel est le phénomène qui se produit, Daniel, lorsqu'un individu, un être, est habitué de communiquer avec son ajusteur de pensée, et puis qu'à un moment donné, il va, disons, à travers l'ajusteur de pensée, manifester, par exemple, de vouloir faire la volonté du Père dans les cieux, et puis que l'ajusteur de pensée lui laisse passer des énergies qui lui répondent, la volonté du Père est en toi, c'est la tienne. Ben oui. Quel est le phénomène qui se produit? Quel est le changement? Est-ce que... La peur, c'est bien simple. C'est bien simple, Cécile. Dans ta question, tu as la réponse. L'individu désire faire la pensée, la volonté du Père. Donc, c'est l'astral. Et présentement, le maître, c'est le mental. Alors, ce fait que l'ajusteur de pensée donne à l'astral que le Père, que la volonté, c'est la tienne. C'est la volonté du mental que présentement l'astral doit faire. Pas d'autre volonté. Parce que le mental doit se développer suffisamment pour après se comprendre le processus de la volonté du Père supramental. Alors, ce qui fait que le désir astral voulant faire la volonté du Père, c'est quoi le Père? Je ne le connais pas. Mais le Père de l'astral est le mental. Et le mental est déjà là, vu qu'il y a l'ajusteur de pensée. Alors, lui prie, ça se rend jusqu'à l'ajusteur de pensée, parce que le mental, s'il n'est pas tout à fait personnalisé ou identifié, ne comprend pas le processus. Et évidemment, le mental pose aussi la question. Et l'ajusteur de pensée va lui répondre que ta volonté soit faite. Parce que ma volonté est ta volonté. C'est normal, c'est juste ça que ça veut dire. Et ça s'est passé dans les individus, justement, qui n'avaient pas un mental personnalisé, mais un mental qu'ils n'ont peut-être même pas complètement identifié. Alors, c'est normal que, présentement, l'être humain doit faire la volonté du Père qui est en lui, mais pas l'astral, le mental. Le mental est le maître de l'astral, et le mental, c'est lui qui doit devenir le maître de l'être humain. Celui qui doit dire « Je suis mon seul maître », c'est le mental. Et ce ne sera pas long que, faisant ça, il va se personnaliser, il va découvrir ses limites et ses possibilités, il va découvrir l'assujettissement au supramental, donc il va découvrir qu'il est manipulé, et là, lui ne voudra pas faire la volonté du Père. Il ne le demandera pas. Il va faire, parce qu'il est mental, étant mental, et non pas égoïque, il va y avoir le conflit à un moment donné qu'on a déjà parlé, mais étant mental, une fois personnalisé, il va tout faire, il va voir que c'est logique, que c'est mathématique, c'est toujours dans notre niveau planétaire, donc la logique est toujours son application, que c'est logique, que l'énergie supérieure à lui, lui explique quoi faire. Il n'y a pas d'ego au niveau du mental, il n'aura pas rendu à cette époque-là. Donc, instantanément, c'est la volonté du Père qui va faire et non la sienne. Mais c'est le mental qui va parler. Mais présentement, la personne qui désire faire la volonté du Père, c'est pas le mental qui désire ça, c'est l'astral. Et le Père, donc l'ajusteur, va simplement répondre, ben, que ta volonté soit faite, car ta volonté est la mienne. C'est normal, l'ajusteur, c'est la base du mental, c'est le haut du mental. La volonté du mental est la sienne, c'est celle-là qu'il faut que tu fasses, et le Père est en toi. On peut répondre à ce moment-là aussi, c'est-à-dire tu peux avoir comme réponse, ton énergie est la mienne. C'est la même chose. Alors, c'est simplement pour ça qu'on a cette réponse-là. Ce matin, j'ai fait deux cauchemars. Et l'un après l'autre, j'ai crié que je ne voulais pas voir ce qui se produisait. Et j'ai foncé sur des centaines de fantômes en voltigeant dans les airs. Et ils sont disparus lorsque ceci se produit. Peut-on poser le même geste au début d'un rêve afin de ne plus rêver? M. Bien oui, c'est évident que n'importe quel phénomène qui va être... de l'astral, ben, si on décide que c'est pas là, maintenant, il faut faire attention, si le mental est suffisamment développé pour que lui-même détermine le phénomène et le décide, ça peut être une colère aussi, qui est peut-être suscitée par le phénomène astral, mais automatiquement, l'édition ou le rêve disparaît. Donc, il n'y a aucun problème de faire disparaître. Tu peux manipuler ton rêve, tu peux manipuler l'astral ou être manipulé par lui-même, ou tu peux carrément, intellectuellement, décider simplement que plus rien, que tu changes tout. Mais évidemment, il faut que le mental soit suffisamment identifié pour pouvoir décider dans un rêve à l'encontre de la manipulation du rêve. Mais c'est évident que ça fait du règles ton problème au niveau de ton rêve, mais évidemment, il faut que le mental soit suffisamment identifié pour que ce soit lui qui puisse se réveiller et dire que telle affaire, ça se peut pas, ou que dire que je veux plus la voir. Sinon, ben, s'il n'est pas assez développé, c'est un glastral, il est complètement ébahi par ce qui arrive, puis il reste carrément manipulé par ça, puis il est pris dedans, puis il ne peut pas rien décider. Alors, si le mental est moindrement identifié, c'est évident. Est-il possible de retarder la fusion tout en augmentant suffisamment son taux vibratoire afin de ne pas perdre conscience s'il devait y avoir mort physique avant que l'être ait en la capacité de personnaliser tous ses principes, les sept. Encore Richard? C'est la huitième, hein, de Richard? Richard, cœur de lion. Est-il possible de retarder la fusion? Oui, d'ailleurs, c'est le cheminement normal. Tout en augmentant suffisamment son taux vibratoire afin de ne pas perdre conscience s'il devait y avoir mort physique avant que l'être ait la capacité de personnalisation de tous ses principes. Alors voilà, ce qui arrive, c'est que il est possible de retarder la fusion, c'est normal. Par contre, s'il y a moindrement, en tout cas, je vais passer là-dessus parce que c'est bon, il est possible de retarder la fusion. Une chose qui est sûre, c'est qu'un individu qui doit mourir et qui n'a pas personnalisé ses sept corps ne peut rien retarder, c'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin de retarder la fusion, parce qu'il n'y aura pas de fusion non plus, s'il n'y a, pas de personnalisation. S'il y a personnalisation du corps supramental, il n'y a plus mort. Alors, la mort physique, le supramental va pouvoir être capable de placer l'astral à sa place, et donc, automatiquement, on va être capable, une fois qu'on va personnaliser le supramental, de personnaliser le vital, et c'est des phénomènes différents. Par contre, le vital et le supramental ont une relation très intime, beaucoup plus qu'on peut penser, et c'est pas pour rien, de toute façon, qu'on l'appelait avant éthérique. Mais ce qui va arriver, c'est qu'on va, une fois qu'on va personnaliser notre supramental, on va personnaliser notre vital, et la mort n'existe plus. Alors, ce qui fait qu'un individu qui n'a pas une personnalisation vitale ne peut pas échapper à la mort si mort il y a. À moins qu'il soit englobé par une entité hyper évoluée, ce qui a été le cas, par exemple, pour Lazare quand il a été, disons, amené à faire certaines choses, il était entouré par les énergies du Nazaréen. Alors, ce qui fait que, disons, que oui et que non, la fusion, elle est retardée. Parce qu'on pense que l'ego n'existe que dans l'astral. Mais c'est l'ego qu'on connaît. Mais il y a d'autres formes d'entités qui vont s'identifier, et c'est normal, parce que le mental doit passer par une phase d'identification. Et c'est un ego mental. C'est absolument différent de ce qu'on a là. Mais il y a quand même une identification mentale, une identification supramentale. Et c'est au niveau de la phase de cette identification-là qu'il peut y avoir fusion. Donc, tu deviens un maître. C'est vraiment de Shambhala. Bon, il y a plus de jobs que ça à faire, là. Bon, alors ce qui fait que c'est au niveau des identifications. Mais ces maîtres-là vont nous pousser dans le derrière pour avancer. Et on devrait être capable, normalement, de ne pas se laisser submerger par l'ego d'identification d'un phénomène d'énergie, qu'est-ce que mental ou supramental, pour être capable de personnaliser ça et de découvrir le père. Et une fois que tu as découvert le père supramental, qui identifie ton supramental, pas trop d'ego, tu personnalises le supramental et tu découvres le maître, le père. Et une fois que tu as découvert le père, tu identifies l'énergie bouddhique, mais juste pas trop d'ego, tu personnalises dans l'énergie bouddhique et tu découvres le père. Et là, tu identifies l'énergie divine, tu personnalises l'énergie divine et là, tu découvres le père. À ce moment-là, Daniel, sinon, tu fusionnes. Tu fais évoluer l'individu qui va atteindre ça, fait évoluer un tas d'individus sur Terre. Ah, automatiquement, il aide les maîtres. Les maîtres ne sont pas pelleteries. Pourquoi tu penses que ce sont les maîtres, on va dire? C'est évident qu'il y a plein d'individus qui vont fusionner et qui vont rejoindre le rang des maîtres. C'est l'apanage, disons, de la masse. Parce qu'ils ne pourront pas personnaliser suffisamment rapidement une identification. Alors donc, il n'y a pas de problème pour les maîtres. Les maîtres ont fait un cheminement comme ça et ils ne pratiquent pas tant que ça. Ils ont certaines souffrances, mais ce n'est pas une souffrance psychologique. Donc, ils ne sont pas maudits, ça ne nuit pas. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on connaît en termes de souffrance. Selon ce qu'on a pu observer, la seule souffrance qu'il y avait, disons, pour le comte de Saint-Germain, par exemple, c'était d'être dans un corps physique. Parce que il y avait un travail à faire, mais qui savait ce qu'il y avait ailleurs, et puis le temps, il souffrait juste du temps. C'est ça. Oui, tout relié au temps, lui. Mais ce qui va arriver, c'est que les maîtres étaient énormément plus intelligents que la masse, et ils en sont arrivés là. Alors, ils s'en font pas. La masse, qui est pas mal moins intelligente que ça, ben, ils vont tous se ramasser là avec un moment donné. Alors, ceux qui n'ont pas de danger, les maîtres vont être capables d'avoir un égrégore suffisamment puissant pour s'en sortir en même temps que ceux qui vont faire leur fusion des sept corps en même temps. Sauf que, disons que, pour aller plus rapidement, ce qui serait naturel à l'homme, si on regarde, disons, les plans, parce qu'il y a des plans cosmiques. Hein? Il y a un cheminement, puis il y a un plan divin. Si on regarde le plan, c'est quoi le plan? C'est le but pour lequel la Terre a été bâtie et le but de l'expérience. Et normalement, l'homme n'avait pas fusionné tous les quatre corps, ou cinq ou six corps. L'homme devait personnaliser tous ses corps. On lui en donnait quatre parce qu'il était prêt, c'est-à-dire que ces quatre corps-là étaient existants dans le domaine, dans l'univers où on était placé. Et l'homme devait personnaliser tout ça, puis fusionner tout court. C'était simple, comme moi, plus simple que bonjour. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, présentement, ben, l'homme, compliquant tout, ayant un ego extrêmement fort, et la planète en ayant un qui va le manipuler, alors l'homme risque, en personnalisant le mental, de découvrir le père supramental, mieux que juste à le penser, et après l'identification, ben, il ne faudra pas qu'il fusionne. La majorité vont fusionner là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que si la majorité fusionne là, ben, il n'y aura pas de problème. Il règle le problème des maîtres en même temps, puis ils sont assez nombreux maintenant pour entrer en contact de masse avec le père. Alors, il n'y a pas de problème. Si j'ai une question très personnalisée, puisqu'on a parlé de Lazare et du fond de Saint-Germain, c'est pas midi beaucoup, est-ce que on sait, Daniel, quelqu'un de Saint-Germain a un rôle politique en tant que maître? Est-ce qu'il a aussi un rôle d'instruction? Ben oui. La politique, c'est quoi? Diriger les masses, instruire les masses, mais d'une façon ésotérique. Et les personnes plus près vont donc subir la politique d'un maître, c'est-à-dire vont subir l'instruction du maître. C'est évident que le comte de Saint-Germain a une immense tâche. Le comte de Saint-Germain, c'est une personne qui a déjà eu un ego très puissant et qui a dû, disons, on pourrait mettre le terme payé, mais ce n'est pas tout à fait réel, qui a dû, pour contrebalancer certains phénomènes, faire un travail totalement souterrain, donc totalement ésotérique. Alors, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qu'il a fait parce qu'on ne doit pas savoir ce qu'il a fait. Le comte de Saint-Germain a agi de façon politique, mais il a aussi fondé différentes sociétés secrètes et on n'a jamais su que c'était lui. Donc, il doit maintenant travailler sans que personne ne sache. C'est dur pour un égo, mais il n'y a plus d'égo maintenant. Mais c'est pour contrebalancer la partie qu'il a eue. Alors, ce qui fait que présentement, en termes de travail d'enseignement initiatique, son travail est de former des sociétés secrètes. Le travail lui a déjà été et il sera sans doute encore. Et au niveau du reste, bien évidemment, il est extrêmement politique pour différentes consanguinités génétiques qui le placent avec des individus extrêmement politiques. Parce que le comte de Saint-Germain a du sang de différentes personnes qui ont dominé des immenses pays. Alors, ce qui fait que la politique, ben, c'est réellement son apanage, je pense, son phénomène génétique, et il a une relation mémorielle avec à peu près tout ce qui peut exister comme grand politique de l'époque, les grands orateurs. Alors, il a un travail politique à faire et un travail d'instructeur ésotérique, en ce sens qu'il ne doit Il n'est pas le maître d'un individu en particulier, mais il va être des sociétés qui vont donner la possibilité à une parcelle de masse plus avancée de pouvoir avancer, justement. Il va même aller, il a même déjà été, jusqu'à bâtir deux sociétés secrètes qui se luttent l'une contre l'autre. Le fondateur, eh bien, c'est le même bonhomme, le comte de Saint-Germain. C'est ça. Ça, il va utiliser des sociétés secrètes, après ça, il va bâtir une pour lutter contre elle. Les deux parties poussent, puis il s'en va. On dit que la parole est très importante. Parler et jaser est une grande... Si on le dit, c'est la preuve que c'est important, la parole. Oui. C'est qu'on le dit. Oui, c'est signé comte de Saint-Germain, d'ailleurs, comme question. On dit que la parole est très importante. Parler et jaser est une grande différence. Quelle est-elle? Le geste serait-elle pas plus grand que la parole dans la matière? Le geste a une immense importance dans l'astral, dans la communication astrale, donc dans la communication de nos énergies astrales. Alors, c'est pourquoi que... Qu'est-ce qu'on entend par geste? Ça serait peut-être important, là, de... Ben, n'importe quel geste, là, je ne sais pas, il y a plusieurs gestes qui sont tout ce qui peut être physionomique, bref, tout ce qui est gestuel au niveau du corps, même le déplacement dans l'espace. C'est l'expression de l'astral. Par contre, c'est évident qu'un individu qui vit quelque chose, ce n'est pas une communication par le geste, une communication par le vécu, c'est différent. Mais donc, le geste en parlant, comme moi je fais des gestes souvent, ça supporte. Mais c'est surtout pour supporter le phénomène astral, le geste. Et la parole elle-même, la parole est importante parce que la parole va surtout supporter une jaserie, là, une jaserie, ça dépend toujours de ce que tu parles, mais normalement, le mental qui va jaser de tout et de rien, j'ai rencontré un météorologue l'autre fois, on a jasé de la pluie du beau temps, tu vois, c'était son barème, mais tu jases, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est simplement l'astral qui se sert du mental pour pouvoir communiquer par la parole. Mais quand tu veux réellement parler de quelque chose, disons, qui de sérieux, quelque chose qui, encore que sérieux, peut être déterminé par l'astral ou le mental, comme présentement ce qu'on fait, on parle, ça a une extrême importance parce que la parole permet à la parole, donc à la pensée, de pouvoir s'ajuster. Mais là, c'est le mental qui communique des énergies mentales ou supramentales et non pas des énergies astrales. Le mental peut communiquer une émotion qu'il perçoit dans l'astral, mais c'est le mental qui communique, donc l'énergie mentale qui communique, et non pas l'énergie astrale. Alors disons qu'une jaserie, c'est beaucoup moins important parce que l'astral est en masse raffiné, bien plus raffiné qu'on peut penser, mais disons que la parole, c'est important, et c'est une importance tout de même extraordinaire. La gestuelle elle-même, le geste ne serait-il pas plus grand que la parole dans la matière? Ben, la matière, c'est l'astral extrêmement dense. Et puis, c'est sûr que le geste est un support en termes de communication. Toujours, le geste est un support à l'astral. C'est évident que si tu communiques tout, ça peut être un ordre mental comme un ordre astral. Hein? Mais c'est un ordre astral quand tu trouves un gars sur toi, c'est un ordre mental quand tu vois sur toi. Non. Mais au niveau de la parole, le geste va surtout soutenir une forme d'expressivité de ton astral. Les prophéties doivent passer par la Vierge pour se réaliser. C'est ce que le Christ disait. Qu'est-ce que la Vierge vient faire là-dedans? Bon, les prophéties, les prophéties doivent passer par la Vierge pour se réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire, Vierge? Ça veut dire pur. Là, je ne prendrai pas les termes médicaux parce que ça peur au monde, là. Ça veut dire pur. Non taché, non teinté. Alors, les prophéties qui n'ont jamais été révélées, ceux-là vont se réaliser. Ils doivent donc passer par la Vierge, c'est-à-dire pas par la Vierge Marie. Ils doivent donc ne jamais avoir été prononcées pour arriver. Parce que prononcées, elles rentrent dans l'astralité planétaire. Elles sont donc interprétées et déformées par la planète, et tout ça ne peut plus arriver. Alors, ce qui fait que les prophéties doivent passer par, donc, ne doivent jamais apparaître nulle part, rester vierges, passer par un endroit non teinté, non souillé, pas par un prophète, pour pouvoir se réaliser. Alors, la Vierge, il faut faire attention entre la Vierge et Marie. On sait que le Nazaréen parlait énormément par symbole et par parabole, par croix. Et le Nazaréen parlait surtout pour lui-même. Alors, ce qui fait que la Vierge, il n'a jamais dit que les prophéties pour se réaliser doivent passer par Marie ou par sa mère. Il a bien prononcé quelque chose dans le sens de Vierge, de pur. Et ça a été redéformé par après pour vraiment finaliser la Vierge. L'apparition de la Vierge, ce qui donne une crédibilité beaucoup plus à Fatima, par exemple, à l'apparition de la Vierge là-bas, qu'aux prophéties de la Salamus. Mais si on regarde quand même les prophéties de Fatima et les prophéties de Jean 23, d'Edgar Cayce, de Nostradamus, en fin de compte, tout le monde se rassemble pour dire à peu près la même affaire. Et ces prophéties-là n'arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par la Vierge. Certains sont passés par Marie, donc par des entités astrales qui les ont interprétées. Moi, je vous donne une prophétie. Elle va être déformée par la masse. Elle ne peut pas s'accomplir telle qu'elle. Elle doit donc être vierge, la prophétie, pour pouvoir se réaliser. Lorsque tu dis vierge, la prophétie, est-ce que ça veut dire que c'est un individu qui, lors d'un contact, soit par ressentiment ou par vision sur l'écran mental, voit quelque chose qui doit être réalisé, et puis à ce moment-là, il le garde pour lui, ou il peut le communiquer aux très proches qui travaillent avec lui? Tout ce qu'il peut faire, c'est la prophétie vierge qui va se réaliser. C'est une prophétie qui regarde beaucoup plus les élus que l'Apocalypse. C'est-à-dire que l'élu qui ne sera pas teinté par toutes les cochonneries, donc qui sera resté vierge, on parle de vierge parce que c'était ramené à l'affaire de Marie, là, mais en réalité, l'élu est la personne qui reste vierge. Lui, quand il va recevoir l'information, Il saura où aller, quand aller, pourquoi aller. Mais s'il est complètement têté par toutes les facéties prophétiques qu'on a données jusqu'à date, il n'aura qu'une chose de plus envers laquelle il pourra douter. Donc, il sera là et la prophétie par rapport pour lui ne s'accomplira pas. Et pour qu'une prophétie puisse s'accomplir, il faut qu'elle descende dans le physique. Oui. Mais pas par Marie. Non. Il y a 7 super univers. Est-ce que l'univers central a toujours existé et cette énergie est-elle matière, Gilbert? Bon, Gilbert, disons que présentement, il faut faire attention à ces termes-là parce qu'il vient à un moment donné où les mots, disons, les prend un peu partout puis ils ne désignent plus la même chose. Le super et le super univers, c'est l'univers qui est justement limité par le temps et l'espace. Alors cet univers-là, l'univers central, de laquelle nous sommes naissants, c'est-à-dire que l'univers central n'est plus existentiel, il est potentiel. Et il redeviendra existentiel quand il y aura compression des univers locaux, c'est-à-dire quand la force d'attraction, de par l'évolution des principes qui évoluent, dont l'humain, va être capable de ramener tout cela. Il y aura recréation de ce super univers central et désagrégation de l'univers central. Celui-là a été créé et il connaîtra une fin parce qu'il est dans un phénomène de temps. Et le temps va disparaître. Alors, cette énergie, elle est matière, c'est-à-dire qu'elle peut, de par son passage, dans toutes les formes de densification du temps, arriver à s'exprimer sous forme de matière. Mais cette énergie-là, présentement, n'est pas matière. Elle est surtout de type supramental, bouddhique ou divine. C'est-à-dire que dans notre univers, on a un endroit central, on pourrait même appeler ça, disons, un hyper-soleil, un endroit où rayonnent différentes énergies, et c'est ces énergies-là qui ont suscité la création et qui ont fait exploser, en même temps que la création, l'univers temporel. Donc, l'univers n'a jamais existé en tant qu'univers centralisé total, parce qu'il n'a pas eu le temps, il était déjà dans le temps, donc déjà en déplacement. Et cet univers, disons, ce soleil-là, c'est lui surtout qui présentement émet des formes d'énergie qui vont et qui ont commencé présentement, certains ont déjà dû sentir les effets de l'énergie supramentale qui descend sur la Terre, on en parlait vers l'automne, ben, c'est commencé depuis à peu près 2 semaines. Et ce rayonnement-là, la Terre présentement, elle le traverse avec tout le schéma du système solaire. Alors ce qui fait qu'il y a 7 super univers, on en connaît plusieurs de ces super univers-là, et l'univers central n'a pas toujours existé, pas dans la forme qu'il est là. Par contre, si on regarde en termes de temps, ça fait des millions de milliards, de trillions de milliards de millions d'années qu'il existe. Alors disons que par rapport à l'être humain, il a toujours existé. Mais il a connu un commencement et il connaîtra une fin. Et cette fin-là sera quand l'univers va revenir à lui-même. Alors ce qui fait que c'est encore peut-être dans un bout de temps. Mais quand l'homme se dégage du phénomène du temps, que ce soit dans un bout de temps ou non, ben, on s'en fout. Il n'y a plus de temps, on contrôle. On est toujours assujetti à l'évolution temporelle, mais notre conscience est à l'extérieur du phénomène du temps. Alors, ce qui fait que cette énergie-là, elle est matière en ce sens qu'elle peut devenir aussi dure que ça. Bon, que ça. Pour éteindre la souffrance, nous devons combattre notre esprit. Nous ne devons pas s'assujettir à notre esprit. Qu'est-ce que combattre notre esprit? L'esprit, pour l'ésotérisme, c'est l'énergie qui est de type mental et supramental. L'âme, pour l'ésotérisme, c'est l'énergie qui est de type astral. Et disons que le physique, c'est l'énergie vitale et physique. Pour l'ésotérisme qui se conscientise un peu plus, disons que le physique, c'est le vital et le physique, que l'astral, c'est l'astral et le mental, et que l'esprit, c'est le supramental en montant. Alors, ce qui fait que, pour éteindre la souffrance, nous devons combattre notre esprit. Si l'esprit désigne l'astral, ça va de soi, mais il n'y a pas une réelle compétition. C'est simplement l'énergie mentale qui doit finir par ne plus être teintée. Donc, la conscience humaine, au niveau de la tête, ne devrait être habité que par le contexte mental et lui ne devrait plus se laisser teindre. Donc, automatiquement, il n'y a plus souffrance au niveau de l'esprit, donc de l'énergie supérieure, et il n'y a plus souffrance. Nous ne devons pas nous assujettir à notre esprit. Nous ne devons pas. Qui est-ce? L'esprit qui ne doit pas s'assujettir à l'esprit. Le mental qui ne veut pas s'assujettir à l'astral. Alors, c'est juste au niveau du terme, là, que c'est un petit peu compliqué. Alors, si je reprends que l'esprit est l'énergie dominatrice supérieure à l'astral, donc, nous devrions, l'esprit ne devrait pas s'assujettir au phénomène astral. Et comment, qu'est-ce que combat notre esprit? Alors, comme je le dis, si par esprit on entend le phénomène astral, bien, tout ce qu'il faut faire, c'est placer dans notre conscience. Disons que normalement, les vendredis, on répond plus en détail à des questions dans ce genre-là.